بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عندك القبة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هل هي حجة لا كوبول كي يسقط القبر دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم Les gens se servent de ça comme argument pour en faire sur les koubours. Là. Là. Non, ce qu'on fait ça, ce sont des gouverneurs. Comme a dit le mu'allif, a dit « Mas'ala » دورية ولا دليلية. C'est une masala qui est liée au gouvernement et non pas aux preuves légiférées. طيب هل سكوت العالم ça veut dire qu'il est d'accord? Non. Parce que tu te tais que tu es forcément d'accord. Et ça veut dire qu'il est pas d'accord? S'il se tait, ça veut dire qu'il est d'accord ou qu'il est pas d'accord? Il a non plus. Tu peux être non plus d'accord ou pas d'accord, c'est pas le fait que tu te tais, que tu as une opinion. Non, ça y est, on ne sait pas. On ne sait pas. On alors attend ouais. De ce qu'il a à dire. Pas les noirs, c'est le N. Parce qu'il y a un peu de lecture aujourd'hui. قال رحمه الله تعالى فإن قلت قد يتفق للأحياء وللأموات اتصال جماعة اتصال جماعة بهم ويفعلون خوارق من أفعال يتسمعون بالمجاذب فما حكم ما يأتون به من تلك الأمور فإنها مما جلبت القلوب إلى الاعتقادات. Donc si tu te dis que on a déjà trouvé des vivants avoir des, on va dire, des contacts avec des morts et ils font des choses qui sortent du commun, qui sortent de l'ordinaire, et ces gens là ça s'appelle majazib. Yani à la base majazib, je sais pas comment traduirait, ça pourrait être, il indique une chose qui charme ou qui forme d'illusionnisme ou haoula hada. Yani à la base ce sont les soufis qui font ça. Donc il dit qu'il y a le jugement par rapport à ces choses qu'ils font, surtout que ce sont des choses à la base sur lesquelles se forment des croyances. Ils voient des choses qui sortent du commun, donc ils se mettent à croire les gens. قال أما المتسمعون بالمجاذب الذين يلوكون لفظ الجلالة بأفواههم ويقولونها بألسنتهم ويخرجونها عن لفظها العربي فهم من أجناب وأجناد إبليس وهم أعظم حمر الكون الذين ألبستهم حلال التلبيس وحلول التلبيس فإن إطلاق لفظ الجلالة منفردا عن الإخبار عنها بقولهم الله الله ليس بكلام ولا توحيد وإنما هو تلاعب بهذا اللفظ الشريف بإخراجه عن لفظه العربي. Donc ces gens justement qui disent qu'ils s'appellent Majazib, c'est les Soufia, eux qui mâchent l'Ofz Jalala, c'est quoi l'Ofz Jalala? Non, le mot en soi, le terme en soi, Allah. Quand ils le prononcent, en faisant des zikr, en cœur, disant Allah, Allah, Allah, akada. Et en plus, comment ils le prononcent, ils sortent de ce contexte du sens arabe. Et ces gens-là sont parmi les troupes de Iblis. Les ânes de la création. Car ce qu'ils font ne sert à rien. C'est ni du kalam, ni du tawhid. Et c'est juste, yani, ils jouent avec ce terme sharif qui est l'Ofz Jalala et le sort de son contexte. ثم إخلاؤه عن معنى من المعاني ولو أن رجلا عظيما صار يسمى زيد وصار جماعة يقولون زيد زيد لعود ذلك استزاء وإهانة والسخرية سيما إذا زادوا إلى ذلك تحريف اللفظ. On dit par exemple le fait de sortir ce terme de son sens, d'ici demain une personne de haut rang, on dit s'appelle Zayd, d'accord, il s'appelle Zayd, et les gens pour le glorifier, qu'est-ce qu'ils diraient? Ils diraient en groupe Zayd, Zayd, Zayd, comme ça, tu vois. Il dit cela serait considéré comme étant de la moquerie envers lui. Hein, de la moquerie, de la raillerie. Surtout si ils altèrent le sens de ce terme. S'il avait un sens. Demain, des gens ils te voient, ils crient ton nom comme ça, ils sortent du contexte, ils disent ton nom comme ça. Tu dis, ils se moquent de moi ou quoi? Ils disent Allah, Allah, ou ils disent Hua, Hua, Hua, genre le Dabir, Hua. Et pour eux, c'est un vikr. ثم انظر هل اتى في لفظة من الكتاب والسنة ذكر الجلالة بانفرادها وتكريرها والذي ملأ الكتاب والسنة وطلب الذكر والتوحيد والتسبيح والتهليل وهذه الأذكار وهذه أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعية آل أصحابه خالية عن هذا الشهيق الذي اعتاده من وعن الله وعن هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان في مكان سحيق. Donc il dit maintenant, regarde ces gens-là, est-ce qu'ils ont trouvé une seule preuve dans Kitab al-Sunnah de cette façon de faire? Le fait de dire Allah tout seul comme ça, et de le répéter. Cela n'est présent ni dans le Kitab ni dans le Sunnah. Et cela ne fait pas partie des afkar du tawhid. Les afkar ma'alous, le tasbih, le tahlil, sont des expressions qui ont un sens. Tahlil, c'est le fait de dire La ilaha illallah. Au tasbih, le fait de dire Subhanallah, au takbir, le fait de dire Allahu Akbar. Et toutes sont des phrases qui ont un sens. Et ça, c'était l'afkar que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. Et tous étaient dénués justement de ce genre de lamentation, de gémissement. Il appelle ça gémissement, comme ils font. Les seuls qui accomplissent ce genre d'actes sont des gens qui sont loin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Yani soufi, tamam. Thumma qad يضيفون إلى جلالة الأسماء جماعة من الموتى أو مثل ابن علوان وأحمد بن الحسين وعبد القادر والعيدروس بل قد انتهى الحال لأنهم يعودون إلى الكبر من أهل الظلم والجراء كعلي ردمان وعلي الأحمر وأشباههما ولقد صان الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل الكساء وأعين الصحابة عن إدخالهم في أفواه هؤلاء الجهالة الضلال ليجمعون أنواع الجهل والشرك. Et il dit, même parmi ces gens-là, certains rajoutent, en plus du Lof Jalala, des noms de gens qui sont déjà morts, comme Ibn Ulwan ou Ahmed Ibn Hussein. Et lui, Ahmed Ibn Hussein, il est Abu Tayr, on l'avait déjà pris dans des précédents, dans ce qui était invoqué. Abu Tayr. Et Abd al-Qadir, lui aussi on l'avait pris. Et Aïdarous. Aïdarous, c'est Abu Bakr ibn Abdillah al-Shazili, qui est mort en 914. C'est un soufi. Également, ils y ajoutent des gens qui étaient parmi les gens injustes, qui faisaient du mal, comme Ali Redman, qui est un yéménite. Et c'est Ali ibn Mohammed Redman al-Bakili. Et également Ali al-Ahmar. Lui, c'est Ali ibn Qasim al-Ahmar, qui était parmi les mashiach de Hashid, qui est un lieu au Yémen. Il y a des gens qui les ressemblent. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, justement, a préservé son messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les gens de ça, son bait, et les sahaba, que leur nom soit rentré dans ce genre de comédie. Car ils ne font pas ça avec leur nom. Ils font ça avec l'offre de Jalala, et des noms de Aouliya, soi-disant, parmi les Foussak, les Foudjar, et les Zanadika. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a préservé que son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ne soit mélangé à ce genre de choses. Et ça, ce sont des choses qui sont liées au djihad et au shirk. Car ils invoquent autre que Allah subhanahu wa ta'ala. فإن قلت إنه قد يتفق من هؤلاء الذين يلوكون لفظ الجلالة يضيفون إليها أهل الخلاعة والبطالة خوالق قطعن أنفسهم وحملهم لمثل الحنش والحياء وأكلهم النار. Et il dit, si jamais tu dis que ces gens-là, qu'on a cité auparavant, les majazib, là, c'est Soufia, ceux qui ternissent lafz jalala, qu'ils font des choses qui sortent du commun, comme le fait qu'ils se poignardent eux-mêmes avec des couteaux, la salène, ou qu'ils portent des serpents, ou qu'ils mangent du feu. Et ils en sortent indemnes, ça ne leur fait rien. Qult, هذه أحوال شيطانية. وإنك لا ملبوس عليك إن ظننتها كرامات للأموات. لما هتف هذا الضال بأسمائهم وجعلهم أندادا وشركاء فهؤلاء الموتى أنت تفرض أنهم أولياء لله، فهل يرضى ولي الله أن يجعله المجذوب ندا لله وشريكا له؟ إن زعمت ذلك فقد جئت شيئا إدا، وصيرت هؤلاء الأموات مشركين وأخرجتهم وحاشهم عن دائرة الإسلام والدين، حيث جعلتهم أندادا لله أندادا لله راضين. Donc il dit, ça, ces choses-là sont des choses liées à Shaitan, par lesquelles tu t'es fait tromper. Et que tu penses que ces choses-là sont des karamat, des prodiges, des miracles, des morts. Et lorsque ces gens-là, ces égarés, ou invoqués par ces noms de ces gens injustes, et en ont fait des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala, et des shuraka, est-ce que tu penses que ces gens-là sont des awliyas? Est-ce que tu penses que ces gens-là sont des awliyas? Penses-tu qu'un wali d'Allah agréerait que l'on fasse de lui un égal à Allah subhanahu wa ta'ala? Et si jamais tu penses cela, c'est une grande erreur de ta part. Car tu auras fait de ces gens-là, c'est-à-dire les vrais awliyas, tu en auras fait des mouchilikines. Et des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala qui agréent cela. Qui on a pris dans Aqsam al-Tarut, qu'il y a man ubida min dunillah wa radiya bidhalik ou an dhalik, parmi les tawarit, celui qui est adoré en dehors d'Allah qui agrée cela. Donc penses-tu qu'un wali, un vrai wali, agréé qu'on l'invoque en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Abadan. Et celui qui agrée cela, c'est un kafir murtad. Donc il n'est pas possible qu'un wali d'Allah agrée cela. Donc ces gens-là qui sont invoqués parmi ces dhullal et ces zanadika, eux qui auraient agréé cela, ne sont pas des awliya. Et ceux qui les invoquent, qui font ces actes qui sortent du commun, que tu prends pour un miracle, ça c'est juste Shaitan qui joue avec toi. Baisse. أو تزعم أن هذه الكرامات لهؤلاء جناذب الضلال المشركين التابعين لكل باطل المنعمسين بين بحار الرذائل الذين لا يسجدون لله تعالى سجدة ولا يذكرون الله وحده. إن زعمت هذا فقد أثبتت الكرامات المشركين وهدمت بذلك قواعد الدين. Donc il dit maintenant, si jamais tu prétends que ces choses-là sont des karamates, des miracles produits par ces majazib, ces soufiyas, ces égarés, qui sont des mouchriquins, qui suivent tout le faux, ceux qui ne se prosternent même, pas pour Allah une seule fois, et qui ne n'évoquent pas Allah une seule fois, c'est-à-dire de façon légiférée, parce qu'ils font Allah, Allah, hu, hu, hu, fakat, comme des chiens, car ça ressemble à l'avouement du chien, parce qu'ils font hu, hu, hu, on dit un chat qui aboie. Si jamais tu prétends cela, alors tu auras à attribuer aux mouchriquins des miracles. Et tu auras par cela détruit les bases de la religion. Il y a une différence entre le karamat et le mu'jizat. Mu'jizat, c'est pour qui? Il y a Aba Omar. Le mu'jizat, c'est pour qui? Mu'jizat. Qui fait des mu'jizat? Le mu'jizat. C'est quoi la différence entre le mu'jizat ou le karamat? Les deux sont les choses qui sortent du commun. C'est quoi la différence entre les deux? Si tu ne le fais pas, dis Allah Allah. Non. Mu'jizat li anbiya wa rusul. Wal karamat li awliya illah. Et sûrement pas pour ces anjas. C'est déchets infects et impurs. Et eux, ils font ça. Quand ils voient ce genre de choses, ils disent, ça c'est des karamat. Donc ils en font des awliya. Fa'idha arafta butlan al-amrayn alamta anna hadhi al-ahwal shaytaniya. يفعل شياطين إخوانه من هؤلاء الضالين معاملة من الطرفين على إغواء العباد. Donc si tu as su cela, tu as su que ce sont des choses qui sont liées à Shaitan en fait. Que Shaitan accorde à ses frères, c'est qu'il appelle à ses frères là, ces gens-là sont ses frères, à mes égarés, pour pouvoir leur accorder un soutien pour égarer les gens et tromper les gens. وقد ثبت في الأحاديث أن الشياطين والجان يتشكلون بأشكال الحية والثعبان وهذا أمر مقطوع بوقوعه فهم الثعابين التي يشاهدها الإنسان في أيدي المجاذب وقد يكون ذلك من باب السحر وهو أنواع. Donc il y a déjà des hadiths qui démontrent que les shayatines et les djinns changent d'apparence. Ils peuvent prendre l'apparence de serpents. Ça, c'est une chose qui est indéniable. Donc ces serpents que tu vois dans les mains de ces gens-là, quand même, ce sont tout simplement des shayatines qui travaillent avec eux. Et cela peut être également un ordre de sihr, de sorcellerie, qui est de différentes catégories. Il y a le sihr qui est haqiqi, et le sihr qui est akhiyili. Le haqiqi est celui qui se fait par du shirk. Que tu te sers des shayatin pour faire des choses qui paraissent comme étant des prodiges aux yeux des gens. Et le takhiyili, c'est juste de, comme on dit, illusionnisme. Tu trompes les gens. Ils s'imaginent voir des choses alors qu'il n'y a rien du tout. C'est pas forcément du shirk. Des gens, ils font, par exemple, ils utilisent des poudres. Ils font des gestes, ils te trompent. La magie, ça rentre dans le sihr. Elle peut être avec les shayatines et elle peut être illusionnisme. T'en as, ils font pas de shirk pour ça. Ils apprennent des harakats, ils te trompent en fait. Ils font diversion sur quelque chose, de l'autre côté, ils font autre chose. Toi, tu crois qu'il avait la chose, alors qu'il l'a pas faite. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est pas du shirk. Mais c'est min al-fisq, min al-ma'asi. Et celui qui le sihr haqiqi, celui-là, c'est du shirk, car tu as oublié de faire des choses qui te sortent de la religion pour que les shayatines soient à ton service et fassent ce que tu leur demandes. Non. Donc les shayatines prennent les shakl des serpents. C'est ma'rouf. Wa ta'allumuhu laysa bil 'asir, bal babuhu al-a'zam. Al-kufru billahi wa ihanatu ma 'azzamahu Allah ta'ala min jihal mushaf fi kanif wa nahwihi. Et le fait d'apprendre ce sihr, c'est juste qui n'est pas dur en réalité. Et c'est au haut niveau de ce sihr, c'est tout simplement du kouf, de faire du kouf. Comme par exemple, mettre le mushaf dans le hammam, dans des lieux de najasa, ou autre que cela. Le mushaf, tu profanes. Ou tu écris des fois des versets avec du sang de haïd. Ou tes gauches portent que Allah. Tu mélanges du haq avec du batil. Et quand tu fais les choses comme ça, les shayatines, c'est ce qu'ils demandent. Et après, ils sont à ton service. Mais en réalité, c'est toi qui es à leur service. Car c'est toi qui auras fait un acte, une ibada, l'irélillah lahum. Donc en réalité, c'est toi qui seras à leur service après cela. Wa shayatin a'zam inayat fi irwa'i al-ibad an tariq al-hidayah wal-rashad. وقد أخرج أبو بكر البزار في مسنده البحر الزخار عن معاوية بن قراء عن أبيه قال كنت مع أبي نريد النبي صلى الله عليه وسلم فلما كنا ببعض الطريق مررنا بحي فبتنا فيه فإذا راعي قد جاء إلى أهل الحي يسعى يقول لست ألعى لكم فإن الذئب يأتي كل ليلة ويأخذ شاة من الغنم والصنم ينظر ولا ينكر ولا يغير. Donc il dit que les shayatines, leur principale fonction, c'est d'égarer les gens. Et surtout les ibad. Pour les sortir de la guidée et de la droiture. Vous voyez, Bakar al-Bazzar a apporté un hadith selon Mu'ayya ibn Qurra, selon son père, qu'il dit que nous sommes sortis en voyage pour rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le chemin, nous sommes passés par un lieu dans lequel nous avons passé la nuit. Il y avait un berger dans ce lieu qui est venu, qui s'est rendu auprès des gens de ce lieu pour leur dire « Je ne ferai plus de gardiennage pour vous le soir. » Avec les moutons, c'est fini. Il dit « Car le loup vient tous les soirs et prend une bête du troupeau et le sanam le regarde, l'idole le regarde, ne fait rien. Donc moi j'arrête. »« Qalu aqim alayna ahsabuhu qal hatta na'tiyahu. » فأتاه وتكلموا حوله قال للراعي أقم ليلته قال إني مقيم قال أبي أقم ليلة حتى ننذر فبتنا ليلتنا. حتى إذا كان صلاة الغداء أقبل راعي يشتد إلى أهل القرية يكون لهم البشرى، ألا ترون الذئب مربوطا بين الغنم بغير وثاق. Donc le Coran, ça, c'est qu'il dit qu'en fait, à la fin, ils ont dit aux gens, reste ce soir. Plutôt, les gens ont dit à ce berger, reste ce soir. Quand même, reste ce soir. Et le père de Muawiyah ibn Qurra lui a dit, on va rester, on va regarder ce qui se passe. Par la suite, au lendemain, le berger revient et leur annonce une bonne nouvelle. Il dit, vous vous rendez compte, on a retrouvé le loup ligoté au milieu du troupeau, sans qu'il n'y ait de raison apparente. قال فجاءه وجئنا معهم وقال فقال نعم أكذا فاصنع فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أبي الحديث فقال يتلاعب بهم الشيطان انتهى. Donc il dit après cela, les gens ont dit dans le sens, t'as vu, regarde. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Ce sahabi et son père se sont rendus près du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont raconté l'histoire. Il a dit, c'est Shaitan qui joue avec eux. Ça, c'est Shaitan qui les trompe, qui joue avec ces gens-là. Intaha. Et le hadith, il est da'if. Ma yathbut. قال فقد بلع ابن الشياطين مثل هذا بأن يتمثل ذئبا ويقعد بين الغنم ليتم إدلال العباد بعبارة أوثان فكيف يستنكر المؤمن الصادق في الإيمان أن يتعلى بالشياطين هو الشيطان بالكبوريين والمجاذب وتصور ثعبانا يقبلونه في أيديهم نارا يأكلونها وغير ذلك لمن صدق إيمانه ويقينه. Donc il dit maintenant, si le shayatin sont capables de faire de telles choses, voyez, مثلاً, de prendre l'apparence d'un loup qui se met au milieu du troupeau pour égarer les gens, car pour eux, le hadith, le sens, c'est qu'en fait, c'est le loup, c'est un shaitan, qui s'est mis là pour montrer aux gens, regardez le sonam, ce qu'il a fait. Il m'a ligoté. Le berger se plaignait que le sonam ne faisait rien. Mais ça y est, il a fait quelque chose. Il m'a ligoté au milieu du troupeau. Donc, il dit, si même le shaitan est capable de faire ce genre de choses, avant de pouvoir égarer les gens, pour qu'ils adorent justement ce sonam, qu'ils engagent le sonam, il nous a protégés. Ça y est. Alors comment est-ce qu'un mu'min véridique pourrait rejeter le fait que le shaitan joue également avec ses kouburiyin, ses majahazib, en prenant l'apparence d'un serpent par lequel ce soufi ferait, yani, comme s'il le maîtrisait. Hein? Comme s'il maîtrisait ce serpent. Le serpent, c'est un shaitan qui travaille avec lui. Ou alors que ce shaitan prenne l'apparence d'un feu que cet homme mangerait. Pour elle, les cas. Donc celui qui a une vraie foi, il dit ça, c'est possible. Dans quel sens? C'est un shaitan qui s'appuie pour eux, c'est tout. C'est pas un miracle. Ces gens-là ont fait du shirk pour que ce shaitan travaille pour eux, c'est tout. D'ailleurs, ce qui se passe là devant moi, là, je le vois. C'est réel, c'est devant moi, je le vois. Ça se passe vraiment. Mais ce n'est pas un miracle. C'est la tromperie. Vous faites duper. Et je sais comment il a fait celui-là. Il a fait telle et telle chose, et ça, c'est un shaitan qui travaille avec lui. C'est tout. وذكر ابن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أنه يعرف من تخاطبه النبات بما فيها من المنافع وإنما تخاطب الشياطين التي دخلت فيها. Donc il dit ابن تيمية رحمه الله تعالى dans son livre الفرقان بين أولياء الشيطان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Il dit je sais comment ça se passe que certains arbres, certaines plantes parlent aux gens. Et juste, ce sont des shayatines qui entrent dans ces plantes, dans ces arbres, pour parler aux gens. Wa alifu man tuqatibu al-hajar wa al-shajar. Taqulu hayna taqul ani an laka ya wali Allah wa yaqra ayat al-kursi fa yadhhab dhalika. Également, je sais comment cela se fait que certaines pierres également et arbres parlent à des gens en leur disant, c'est-à-dire cet arbre, cette pierre parle à quelqu'un en disant, ah, tu es un wali d'Allah, toi. On lui fait croire que c'est un wali. Et il dit, par contre, si après tu lis Ayat al-Kursi sur lui, c'est fini la chose. Car ça fait ruqya. Donc c'est un shaitan qui fait tout cela. فَقَالَ وَعْلِفُ مَنْ يَقْسِدْ سَيْدِ التَّيْرِ فَتُغَاتِبُوا الْعَصَافِرِ وَتَكُولْ سِدْنِسْ حَتَّى يَكُلَنِي الْفُقَرَى وَيَكُنَ الشَّيْطَانِ قَدْ دَخَلَ فِيهَا كَمَا يَدْخُلُوا فِي الْإِنْسِ Il dit également, je sais, lorsque le chasseur vient pour chasser les oiseaux, et l'oiseau lui parle, il dit chasse-moi, afin que les pauvres puissent me manger. Et l'oiseau dit chasse-moi, comme ça, tu me tues, et les pauvres pourront me manger. Il dit, c'est un shaitan qui est dans l'oiseau, qui fait parler, c'est tout. Tout comme des fois, shaitan rentre dans l'être humain. Et il parle, et bien il rentre dans cet oiseau-là, et il parle. Kazalik. ومنهم من يكون في البيت معلقا عليه فيرى نفسه خارجه وبالعكس هو لم يفتح وذلك في ابواب المدينه تكون الجن قد ادخلته واخرجته بسرعه ويرونه انوارا ويحضر عنده من يطلبه ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصوره صاحبه également tu vois des gens ils sont dans leur maison et ils se voient eux-mêmes à l'extérieur de la maison dans sa maison chez lui la porte elle est fermée Et il se voit à l'extérieur. Ou le contraire. Il est à l'extérieur, et il se voit à l'intérieur de chez lui. Donc, il y a ta'adjabun muhazas. Alors, c'est ça qu'il dit, tu vois, c'est pas wadih pour moi la phrase. Wa qala wa a'lifu man yukhatibuhu mukhatibu yakul ana min amrillahi wa ya'udduhu anahu al-mahdi al-lazi bashara bihi al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa yazharu lahu al-khawaliq misl an yakhtura bi kalbihi tasarruf fi al-tayr والجراد في الهواء والمواشي فإذا خطر بقلبه ذهب الطير والجراد يمينا وشمالا وذهب حيث أراد ويدي également je sais comme il arrive comme il se peut qu'il arrive que une personne dise je suis le Mehdi quelqu'un voit il se fait appeler par une personne il dit je suis le Mehdi Et ce Mehdi lui fait parler des prodiges à cette personne. Il voit des choses qui sortent du commun. Et il a le contrôle des choses. Amen. Ou qu'il est transporté jusqu'à Mecca. Il y a des gens qui sont pareils. Ils se servent des djinns. Ils font des actes de shirk. Et les djinns font leur service par la suite et les transportent où ils veulent. Les djinns parmi les Afarid, ceux qui sont très très forts, le transportent, le salen, à Mecca en quelques secondes. Ça, c'est déjà arrivé. Ça a été constaté, ça a été vu. T'en as aussi à la télé, on les voit, ils font des choses ahurissantes. Parmi eux, c'est du tahyili, et parmi eux, c'est du haqiqi. Certains, ils font de l'illusionnisme, et d'autres, ils servent des shayatin. Ils font des choses, tu dis, comment ils font ? Ils marchent dans les airs. Ils marchent sur l'eau. Et ces gens-là, abadan, c'est des awliyas, c'est des koufars, à la base. C'est des koufars. Comment ils feraient ça par bi'idhnillah ? C'est pas possible. Juste, ils jouent avec les shayatin, ils trompent les gens. C'est des choses, si jamais on les voit, le fameux esprit va dire « Oh, c'est un miracle, c'est quelqu'un de grandiose celui-là. » Nous, on vient, on dit « Eh, t'es coursi, il tombe dans l'eau. » Il marche en l'air, tu es coursi, il s'éclate par terre. Il en a fini. Lui, il joue avec vous, c'est un diable celui-là, c'est tout. Il n'a rien de miraculeux, rien du tout. Pas même, rien de miraculeux. Mais les gens qui ne savent pas se font duper. « Wa azabeb, lo zakartu ma alifu minhu, l'artaja ili mujallad kabir. » وقال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا قال الله تعالى كلا زجر وتنبيه على أنه ليس كل من حصلت له نعمة دنيوية تعد كرامة وأن الله أكرمه بها ولا من ولا كل من قدر عليه رزقه يكون مهينا له بذلك donc elle dit moi si jamais j'écrivais tout ce que je connaissais là-dessus j'en écrirais des tomes entiers ce genre d'histoire amen et tout cela n'est que du macre de shaitan tout cela n'est que du macre de shaitan Allah dans le sens où il dit et l'insan lorsqu'on l'éprouve son seigneur l'éprouve Il honore en apparence, il donne des ni'amas, il dit ah, « Le Seigneur m'a honoré. » Si jamais il l'éprouve, qu'il n'a pas ce qu'il veut, il dit « mon Seigneur m'a avili. » Alors là, il dit « Kalla, sûrement pas. » Dans quel sens ? Pour faire croire que ce n'est pas toute personne qui a reçu une ni'ama de dunya que cela est considéré comme étant un honneur pour lui. Et que Allah SWT l'a gratifié par cela. Et également, ce n'est pas toute personne qui a été privée d'une chose que ce serait forcément rabaissant pour lui. بل هو سبحانه وتعالى يبتلي عباده بسراء وضراء فقد يعطي النعم الدنيوية من لا يحبه ولا هو كريم عنده ليستدرجه بذلك وقد يحمي منها من يحبه ويواليه لئلا يتنقص بذلك مرتبته عنده أو يكره بسببها ما يكرهه منه. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve qui veut parmi ses serviteurs, par l'aisance ou par la difficulté. Il se peut qu'il donne des bienfaits de dunya à des gens qu'il n'aime pas, à une personne qui n'est pas honorée auprès de lui. Et cela pourquoi ? Istidrajan lahu, pour l'amener par étape, par échelon, vers l'égarement. Et il se peut qu'il empêche les ni'am de dunya à arriver à quelqu'un qu'il aime. Il le prive de cela. Pourquoi ? Pour ne pas que son rang baisse et qu'il tombe à cause de ce ni'am dans une chose qu'il détesterait de lui. Ça, on a parlé la dernière fois. Et que si jamais réellement la richesse, comme on dit, les ulama, avait été une preuve d'honneur pour les serviteurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait été le plus en droit de recevoir ces richesses. Bien évidemment. Voyez donc, karamat awliya illah, la bouddha niyakuna sababuha al-iman wa taqwa. فما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أوليائه فهكذا وفهذا كلها أحوال الشياطين أو أحوال شيطانية وهو من يتناوله قوله تعالى طيب ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين وبئس القرين. Savoir une chose, que les karamates des awliya sont basées sur des conditions. Parmi elles, elles y mènent tout à quoi ? Celui qui a ses miracles, ses prodiges, soit un mu'min, un homme pieux. Sans quoi ? Cela tombe dans quoi ? Dans les talbisas de shaitan, c'est tout. Les talbisas de Ardaïllah. Et Cheikh Al-Islam Taïmiyyah, il a dit que le plus grand des miracles pour le serviteur, c'est quoi ? Man alif al-fa'ida. A'zam karamat lil'abd. Ma hiya ? La, adi Cheikh Khalid, inshallah. Il a dit l'istikama. An ya'ish al-abd al-istikama wa yamut 'alayha. Le plus grand des miracles que Allah accorde à son serviteur, c'est qu'il le fasse vivre sur l'istikama et qu'il meure sur l'istikama. أعظم من أن يمشي في الهواء. Plus grand que le fait de marcher dans les airs. Qu'il soit mu'min, mukhlis, mustaqim min al-maut. Car marcher dans les airs, t'apporte quoi ? Pas d'Allah, rien du tout. Juste, ça va être un signe pour les autres. Mais toi, ça ne change rien pour toi. Alors que l'istiqama, c'est un sebeb que tu entres au Jannah. Et le shaitan ne peut pas faire le mustaqim. On ne peut pas. Un jour ou l'autre, il sera dévoilé. Alors que le mustaqim, il est mustaqim. Bi'iznillah, il est le maut. T'as tom, hada. Donc ça, c'est le plus grand des miracles. Donc dans le verset, dans le sens où Allah est dit, que celui qui s'éloigne du rappel du Rahman, Allah lui accordera comme compagnon un shaitan qui va l'égarer. Il va l'égarer. Et lui, pour ça, il sera bien guidé. Des choses pour ce shaitan, dira je suis guidé, je suis sur le bien. Et le jour de la résurrection, dira pauvre de moi que je n'étais éloigné de ce shaitan et quel mauvais compagnon. Car il aura compris qu'en fait ce shaitan l'aura égaré. Ava. Donc là, ce qu'on a pris aujourd'hui, c'est que ce que tu verrais faire, ce que tu verrais accompli comme chose qui sort du commun de la part des gens qui se pensent à la droiture, ce n'était pas un miracle d'Allah SWT et ni un prodige venant d'Allah SWT, mais c'était une chose qui dit aux shayatines que ces gens-là jouent avec les shayatines, ils jouent avec les gens, pour les égarer. Ne sois pas dupe. Et comme a parlé le même Shafiri, ne vois pas, ne compte pas un acte prodigieux comme étant miracle tant que tu n'auras pas pesé les actes de cette personne-là sur le kitab au sunnah. Tu regardes d'abord, est-ce que cet homme-là qui marche dans les cieux ou sur l'eau, est-ce qu'il est mustaqim en premier lieu ? Regarde qui il est. Et après cela, tu pourras dire, naam, hadha min karamatillah. Si jamais tu vois que c'est un fasiq, c'est un asi, c'est un mudbir, tu dis ce qu'il fait là, c'est pas un laissez minallah. Adam ne shayatin, c'est tout. Donc déjà regarde bien à qui tu as affaire, en premier lieu. Faut pas te faire tromper. نعم مفهوم هذا؟ فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.